la mâche, croyait m'être noyé. En effet, personne d'elle ne se regardait. J'ai miraculeusement été sujet à l'abordage de trois volatiles doués de langage, pensant naïvement que la grippe aviaire avait diminué leur nombre de manière spectaculaire. Sacré métier avec eux, c'est toujours le 1er avril. Systématiquement, même quand j'en vois en civil, je me mets de suite sur le côté, mes mains posées sur le mur, en écartant les jambes. Comme ça, c'est sûr, j'aime bien gagner du temps, car eux en ont à perdre visiblement. Je comprends ce que ressentent les filles sans cesse accostées, mais qu'est-ce qui légitime ce contrôle d'identité? Pour eux, quand t'es pas allé, t'es coupable avant d'avoir parlé ou fait. Je suis pas zoophile, j'aime pas me laisser tripoter par des poulets. Surtout devant toi, au nom de la loi, ils ont limite le droit de me foutre un doigt. Je suis indien, ils aiment bien jouer au cowboy avec moi. Contrôlé par des flics contrôlés, contrôlé par des flics contrôlés, contrôlé par des flics contrôlés, contrôlé par des flics contrôlés. Est-ce que vous êtes connu des services de police? Non, pour mes erreurs de jeunesse, j'ai eu la chance de jamais me faire serrer. Mais vous, je vous connais fort bien déjà. Je sais quel sort vous avez réservé à Aïssa. Est-ce que vous avez des armes ou de la drogue? Pour les armes, ouvre mon crâne en deux. Il reste dans mes neurones des pamphlets tumultueux. En ce qui concerne la drogue, j'ai bu, j'ai fumé du tabac. Mais apparemment pour alimenter les caisses de l'État, on me donne les pleins droits. Ce n'est pas le gang le plus redouté, mais certainement le plus armé. Ils étaient prêts à me tirer une balle à bout portant, au cas où je m'apprêtais à m'enfuir en courant. Et ils osent me dire bonne journée, bon vent. Je m'étais dit, je ferais pas comme les autres, un morceau de plus sur les keufs, à croire que c'est eux qui en réclament. Alors je dédie ce titre à tous mes fans. Contrôlés par des flics contrôlés, contrôlés par des flics contrôlés, contrôlés par des flics contrôlés, contrôlés par des flics contrôlés. Des flics contrôlés, contrôlés par des flics contrôlés, contrôlés par des flics contrôlés, contrôlés par des flics contrôlés, contrôlés par des flics contrôlés, contrôlés par des flics contrôlés, contrôlés par des flics contrôlés, contrôlés par des flics contrôlés, contrôlés par des flics contrôlés, contrôlés par des flics contrôlés, contrôlés par des flics contrôlés, contrôlés par des flics contrôlés.